Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1963, dans les deux derniers volets d'une série d'émissions pour laquelle elle retraçait les grandes étapes de la vie et de l'œuvre de Freud, Marthe Robert racontait les 15 dernières années de son existence. Devenue célèbre et respectée dans le monde entier, Freud travaille à synthétiser sa pensée et s'intéresse aussi aux mots de son époque à travers ses deux ouvrages essentiels que sont « L'avenir d'une illusion » en 1927 et « Malaise dans la civilisation » en 1930. Il s'intéresse ensuite à la figure de Moïse dans un essai intitulé « L'homme Moïse ou la religion monothéiste » auquel il travaille dès le début des années 30, mais qu'il ne se résout à publier qu'après son départ de Vienne, en juin 1938, 3 mois après l'invasion de l'Autriche par les nazis. Il meurt à Londres le 23 septembre 1939, après avoir subi 33 opérations pour tenter de venir à bout de son cancer de la mâchoire, dans un monde qu'il avouait avoir cessé de comprendre depuis plusieurs années. La Révolution psychanalytique, 27e et dernier volet, diffusé pour la première fois sur France 3 Nationale les 13 et 20 juillet 1963. RTF France 3 Nationale présente en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série, La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Michel Bouquet, René Farabet, Claude Martin, Pascal Mazzotti, Jean Muselli et Jean Topard, dans La gloire. On a sans doute remarqué que, dès avant la soixantaine, Freud exprimait la crainte de voir tarir la source de son œuvre et de devoir ainsi se résigner à la pire épreuve qu'il put imaginer, la perte ou la diminution de ses facultés intellectuelles. Au seuil de la vieillesse, chacun de ses livres lui paraît être le dernier. Et en 1925, il écrit son autobiographie comme quelqu'un qui a déjà achevé et son œuvre et sa vie. Constatant qu'il a ouvert beaucoup de voies et donné bien des impulsions qui pourront aboutir à quelque chose dans l'avenir, il ne songe pas ou n'ose pas croire qu'il a encore une longue tâche devant lui. À quel point ses craintes étaient mal fondées, la bibliographie de ces 15 dernières années le prouve amplement, tant par le nombre que par l'importance des travaux publiés. Sans doute, on n'y trouve plus de ces éclairs foudroyants qui jusque-là ranimaient périodiquement la flamme de la science des rêves, mais on y reconnaît la même passion de savoir, la même curiosité impitoyable, la même attention émue pour les petites comme pour les grandes choses de la vie. Pour la fraîcheur et la jeunesse de l'esprit, les 3 gros volumes qui terminent ses œuvres complètes ne le cèdent en rien au premier. Cette dernière période n'apporte pas de matériaux vraiment nouveaux à la théorie, qui est maintenant, sinon achevée, du moins solidement établie. Cependant, Freud éprouve le besoin de modifier sensiblement l'une de ses conceptions la plus constante et le moins abondamment développée, celle de l'angoisse névrotique, à quoi le traumatisme de la naissance de Rank redonnait de l'actualité. C'est en réfléchissant profondément aux idées de Rank que Freud écrit « Inhibition, symptômes, angoisse », un ouvrage fort important en ce qu'il apporte une correction à la théorie. Autrefois, en effet, Freud concevait l'angoisse comme le produit d'une transformation de la libido, sans pouvoir dire toutefois en quoi une pareille transformation consistait, ni par quels moyens elle avait lieu. Maintenant, revenant à une note de la science des rêves, où l'angoisse était rapportée à la naissance, source et modèle de tous les états anxieux, il tient que l'angoisse n'est pas produite par le refoulement, mais qu'au contraire, c'est elle qui refoule, sauf dans les cas où la névrose est provoquée directement par l'insatisfaction sexuelle. Ainsi, il conservait l'entité clinique des névroses d'angoisse ou névroses actuelles que maints psychanalystes jugeaient depuis longtemps d'une utilité douteuse. Mais Freud, quoi qu'il lui en coûtât d'abandonner une opinion, avouait ses erreurs dès qu'il avait pu s'en pénétrer lui-même. C'est ce qu'il fit, 7 ans plus tard, pour les restes de sa théorie de l'angoisse. Il avait alors 77 ans. Les travaux publiés entre 1925 et 1931 sont comme une récapitulation générale des grands chapitres de l'œuvre freudienne. Les uns ont trait à la théorie de la libido. Ce sont, outre l'essai dont nous venons de parler, des textes sur les types libidinaux, la sexualité féminine et les conséquences psychiques des différences anatomiques entre les sexes. D'autres, parmi lesquels il faut compter l'autobiographie, s'attachent à faire le bilan de la psychanalyse comme science et comme pratique. Ce sont les résistances contre la psychanalyse et la question de l'analyse profane, publiée en français avec l'autobiographie sous le titre de « Psychanalyse et médecine ». Dans ce dernier ouvrage, Freud défend énergiquement les analystes non-médecins, tout à la fois contre les autorités et contre ceux des analystes qui, surtout en Angleterre et aux États-Unis, voulaient leur interdire l'exercice de la profession. Avant la guerre de 1914, les non-médecins étaient rares parmi les psychanalystes. Il n'y en avait guère que 2, le pasteur Pfister et Hermin Hugelmuth, qui du reste se consacrait exclusivement aux enfants. Pendant la guerre, Melanie Klein commença sa brillante carrière d'analyste d'enfants, en collaborant avec Ferenczi à sa clinique de Budapest. Puis, Rank se résolut aussi à exercer, en se bornant d'abord à une clientèle enfantine, selon l'illusion répandue alors qu'elle posait moins de problèmes ardus que celle des adultes. Peu à peu, cependant, le nombre des non-médecins augmentait, et à Vienne surtout, où les dispositions légales sur ce point étaient extrêmement étroites, il fallut enfin songer à légitimer leur existence, tant au regard de la loi que de la légalité interne des diverses sociétés. Freud, qui pouvait bien avoir gardé de son passé une rancune contre la médecine, intervint dans le débat à l'occasion du procès intenté par les autorités autrichiennes à Theodor Reich, l'un des analystes profanes les plus en vue de la société viennoise. En 1926, Reich était accusé par un de ses malades d'avoir usé à son égard de pratiques nuisibles. Mais le déséquilibre mental de son accusateur était patent, et grâce à l'intervention de Freud auprès d'un haut fonctionnaire, il obtint finalement gain de cause. Bien entendu, la presse viennoise s'empara de l'affaire avec ravissement, de sorte que Freud, irrité et alarmé de ce qui pouvait être un précédent, composa en hâte sa riposte à cette nouvelle forme d'attaque. Traîner les analystes devant les tribunaux, c'était, comme il le remarque dans une lettre à Eitingen, une arme plus efficace et non moins perfide que les anciennes calomnies. Le mouvement contre les analystes non-médecins me paraît n'être rien d'autre qu'un résidu de la vieille résistance contre la psychanalyse en général. Malheureusement, beaucoup de nos membres sont assez myopes ou assez aveuglés par leurs intérêts corporatifs pour s'y associer. Je regarde tout ce mouvement comme une expression de la rage des Viennois devant l'intérêt bienveillant suscité dans le monde extérieur par mon 70e anniversaire. C'est pourquoi je m'en sens partiellement responsable. Les idées défendues dans psychanalyse et médecine ont contribué à aggraver l'opposition entre les Européens et les Anglo-Saxons, qui à ce moment réclamaient précisément un statut médical de leur profession. Jusqu'à présent, la polémique continue, quoique pratiquement elle se trouve tranchée par la législation en vigueur dans les divers pays intéressés. En France, où la psychanalyse n'a pas de statut, Les non-médecins sont toujours exposés à des poursuites pour exercice illégal. Notons toutefois que dans une affaire de ce genre, en 1951, les tribunaux parisiens déboutèrent le plaignant. Ainsi, Freud reprend le combat avec autant d'ardeur que jamais. Et même sort de la remarquable réserve où il se tenait jusque-là en face des convictions intimes de son temps. Sans aucun doute, son œuvre antérieure contenait une violente critique tant des idées morales et spirituelles que des buts de vie de son époque, mais c'était de façon indirecte, par une réduction de toute la pensée et de toutes les conduites à leurs lointaines origines infantiles, obscures pour l'individu, humiliantes pour la société. Maintenant, fort de l'intérêt passionné qu'il suscite un peu partout dans le monde, il dit à son époque ce qu'il pense de ses illusions, de ses espoirs et de ses consolations infantiles. L'avenir d'une illusion, écrit en 1927, reprend le thème religieux déjà traité dans Totem et Tabou. À cette différence près qu'ici, Freud ne s'occupe pas de la psychologie du fait religieux, mais de la valeur objective de la foi et de ses rapports avec la vérité. Naturellement, le petit livre contient d'abord une profession d'athéisme, puis une réflexion sur l'illusion religieuse, qui n'est pas une erreur de jugement, mais, si sublime soit-elle, une pensée consolante, une compensation semblable à celle qu'inspire à l'enfant le sentiment de sa faiblesse. En regard de cette illusion qui berce et endort l'individu, Freud place la science, qui est partielle, en grande partie impuissante et sujette à l'erreur, mais adulte, capable de se rectifier elle-même et, malgré ses tâtonnements, sans cesse susceptible de progrès. Pour finir, Freud répond à l'interlocuteur imaginaire qui l'a fait entrer dans le débat. Non, notre science n'est pas une illusion. Mais s'en serait une de croire que nous pourrions tirer de je ne sais où ce qu'elle ne peut pas nous donner. Malaise dans la civilisation, publié 3 ans plus tard, continue cette réflexion sur l'avenir qui, pour la première fois, arrache Freud à sa patiente exploration du passé. Là, après avoir rappelé plus crûment encore le caractère archaïque et intellectuellement rétrograde de l'illusion religieuse, Freud se demande où va cette culture élevée dont l'homme d'aujourd'hui est si fier, quoiqu'elle impose d'énormes sacrifices à sa recherche du bonheur. Selon toute apparence, elle s'oriente vers une répression de plus en plus dure des instincts, où Freud voit là la cause de son malaise, car c'est folie que de forcer la nature au-delà d'un certain degré, c'est folie que d'assigner à la sublimation de la libido humaine des limites indéfinies. Il y aurait peut-être un espoir dans l'abolition de la propriété privée telle qu'elle a été décrétée par la jeune société communiste, car la propriété procède effectivement de l'agressivité et des instincts de destruction qui périodiquement mettent la civilisation en péril. Encore faudrait-il qu'elle n'entraîna pas le mythe de l'homme bon, naturellement capable d'abnégation et de haute visée, en d'autres termes, qu'elle se refusa à accréditer une nouvelle et dangereuse illusion. La question du sort de l'espèce humaine me semble se poser ainsi. Le progrès de la civilisation saura-t-il, et jusqu'à quel point, dominer les perturbations apportées à la vie en commun par les pulsions humaines d'agression et d'autodestruction? À ce point de vue, l'époque actuelle mérite peut-être une attention particulière. Les hommes d'aujourd'hui ont poussé si loin la maîtrise des forces de la nature qu'avec leur aide, il leur est devenu facile de s'exterminer mutuellement jusqu'au dernier. Ils le savent bien. Et c'est ce qui explique une bonne part de leur agitation présente, de leur malheur et de leur angoisse. Et maintenant, il y a lieu d'attendre que l'autre des deux puissances célestes, l'Éros éternel, tente un effort afin de s'affirmer dans sa lutte contre son adversaire non moins immortel que lui. Pendant ces années où la faiblesse et les souffrances quotidiennes le tiennent en partie à l'écart du monde et où le monde, bien tardivement, commence à venir à lui, Freud n'est pas seulement préoccupé des grandes questions dernières, ni même des problèmes plus pratiques liés à l'avenir de la psychanalyse. Il revient aussi à ses vieux sujets de prédilection, l'inconscient et le rêve qui, au fond, n'ont jamais cessé d'occuper son esprit. Dans un petit texte intitulé, curieusement, « Notice sur le bloc magique », Il tente, une fois de plus, de faire saisir les propriétés spécifiques du monde obscur qu'il a découvert en comparant l'inconscient avec ses petits aides-mémoires où l'écriture s'imprime à l'aide d'une pointe sèche sur un dispositif composé de deux feuilles superposées. La feuille superficielle est en celluloïde, celle du dessous est faite d'un papier enduit de cire. Veut-on effacer les notes éphémères du jour, on sépare les deux feuilles l'une de l'autre et l'écriture disparaît. Mais si l'on regarde attentivement la feuille profonde, on s'aperçoit que, pareil à l'inconscient où tout s'inscrit et ne s'efface jamais, elle a gardé de chaque lettre une trace indélébile. Le thème du rêve, c'est un écrivain français, Maxime Leroy, qui en ces années donne à Freud une belle occasion d'y revenir. Dans son livre « Descartes, le philosophe au masque », Maxime Leroy rapportait un rêve de Descartes qu'il invitait Freud à interpréter selon sa méthode. Freud répondit de bonne grâce, mais impressionné, peut-être même intimidé par la taille immense du personnage, il ne livra ses résultats qu'avec réticence, sous une forme allusive qui n'est guère dans sa manière habituelle. Les psychanalystes pourraient s'amuser à préciser ou à compléter le contenu analytique de ce rêve que Freud, enfreignant pour une fois sa règle de franchise absolue, a un peu maladroitement voilé. Voici les rêves de Descartes tels que Maxime Leroy les relate dans le chapitre 6 de son livre « Les songes d'une nuit de Souabe ». Alors, dans la nuit, où tout est fièvre, orage, panique, des fantômes se lèvent devant le songeur. Il essaye de se lever pour les chasser, mais il retombe, honteux de lui-même, en sentant une grande faiblesse l'incommoder au côté droit. Brusquement s'ouvre une fenêtre de sa chambre. Épouvanté, il se sent emporté dans les rafales d'un vent impétueux qui le fait pirouetter plusieurs fois sur le pied gauche. Se traînant et titubant, il arrive devant les bâtiments du collège où il a été élevé. Il tente un effort désespéré pour entrer dans la chapelle afin d'y faire ses dévotions. À ce moment, des passants arrivent. Il veut s'arrêter, leur parler. Il remarque que l'un d'eux porte un melon, mais un vent violent le repousse vers la chapelle. Il ouvre alors les yeux, tiraillé par une vive souffrance au côté gauche. Il ne sait s'il rêve ou s'il est éveillé. Mal éveillé, il se dit qu'un mauvais esprit a voulu le séduire, et il murmure quelques prières pour l'exorciser. Il se rendort. Un coup de tonnerre le réveille. Remplissant sa chambre d'étincelles, il se demande une fois encore s'il dort ou s'il veille, si c'est rêve ou rêverie, ouvrant et fermant les yeux pour trouver une certitude. Puis rassuré, il s'assoupit, la fatigue l'emportant. Le cerveau en feu, ses rumeurs et ses sourdes souffrances l'excitant, Descartes ouvre un dictionnaire, puis un recueil de poésie. Ce marcheur intrépide rêve sur ce vers Quod vitae sectabor iter. Encore un voyage au pays des songes. Alors soudain, un homme qu'il ne connaît pas survient, prétendant lui faire lire une pièce d'Ausone, commençant par ces mots « Est et non ». Mais l'homme disparaît, un autre survient, le livre s'évanouit à son tour, puis revient, orné de portraits en taille douce. La nuit s'apaise. Enfin. Ce rêve, ou plutôt cette suite de rêves, a été analysé par Descartes lui-même. Voici ce que Freud y ajouta dans une lettre écrite directement en français. En prenant connaissance de votre lettre me priant d'examiner quelques rêves de Descartes, mon premier sentiment fut une impression d'angoisse, car travailler sur des rêves sans pouvoir obtenir du rêveur lui-même des indications sur les relations qui peuvent les relier entre eux, ou les rattacher au monde extérieur, et c'est bien le cas lorsqu'il s'agit des rêves de personnages historiques, me donne, en règle générale, qu'un maigre résultat. Par la suite, ma tâche s'est révélée plus facile que je ne m'y attendais. Pourtant, le fruit de mes recherches vous paraîtra sans doute beaucoup moins important que vous n'étiez en droit d'espérer. Les rêves de notre philosophe sont ce que l'on appelle des rêves d'en haut, c'est-à-dire des formations d'idées qui auraient pu être créées aussi bien pendant l'état de veille que pendant l'état de sommeil et qui, en certaines parties seulement, ont tiré leur substance d'états d'âme assez profonds. aussi ses rêves présentent-ils le plus souvent un contenu à forme abstraite, poétique ou symbolique. Notre philosophe les interprète lui-même, et, nous conformant à toutes les règles de l'interprétation des rêves, nous devons accepter son explication. Mais il faut ajouter que nous ne disposons pas d'une voie qui nous mène au-delà. Confirmant son explication, nous dirons que les entraves qui empêchent Descartes de se mouvoir avec liberté nous sont exactement connues. C'est la représentation, par le rêve, d'un conflit intérieur. Le côté gauche est la représentation du mal et du péché, et le vent, celle du mauvais génie, animus. Les différentes personnes qui se présentent dans le rêve ne peuvent naturellement pas être identifiées par nous, bien que Descartes questionné n'eût pas manqué de les identifier. Quant aux éléments bizarres, peu nombreux d'ailleurs et presque absurdes, comme par exemple le melon d'un pays étranger et les petits portraits, ils restent inexpliqués. Pour ce qui est du melon, le rêveur a eu l'idée originale de figurer de la sorte les charmes de la solitude, mais présentés par des sollicitations purement humaines. Ce n'est certainement pas exact, mais ce pourrait être une association d'idées qui mènerait sur la voie d'une explication exacte. En corrélation avec son état de péché, cette association pourrait figurer une représentation sexuelle qui a occupé l'imagination du jeune solitaire. Sur les portraits, Descartes ne donne aucun éclaircissement. L'extraordinaire production littéraire de Freud pendant cette période serait déjà surprenante si elle ne s'ajoutait à une foule d'autres activités dont Freud, malgré la vieillesse et le martyre physique qu'il endurait presque sans répit, ne voulait ni ne pouvait se dispenser. Après la guerre, il avait peu à peu cessé de prendre des malades en traitement pour se consacrer à la formation des jeunes analystes étrangers qui, de plus en plus, affluaient à Vienne. Et, quoiqu'il dût en refuser beaucoup, ces analystes didactiques occupaient encore une bonne part de ses journées. Il y avait aussi toutes sortes de questions soulevées par la vie intellectuelle et sociale du mouvement psychanalytique, dont Freud pouvait d'autant moins se désintéresser qu'il parvenait alors à un moment décisif de son histoire. Les sociétés de psychanalyse se multipliaient dans le monde. Un peu partout se créaient des instituts, sorte de faculté privée où l'enseignement était soigneusement contrôlé sur le modèle de l'Institut de Berlin, dont la polyclinique avait été fondée en 1922 grâce à une généreuse donation de Meiss Aitinen sous le couvert de l'anonymat. Freud ne pouvait refuser son concours à toutes ces entreprises et pas davantage se dispenser de participer aux congrès internationaux annuels dont ses communications, à défaut de sa présence, étaient toujours la principale attraction. Si l'on ajoute les continuelles vicissitudes financières du Verlag, dont il était personnellement très affecté, la prolifération des revues psychanalytiques, qui exigeait naturellement de tous un surcroît de travail, enfin l'énorme correspondance que le vieux savant, désormais célèbre, entretenait avec le monde entier, on aura une idée de la tâche positivement écrasante qu'il lui fut donné d'accomplir presque sans défaillance jusqu'à la fin. Les lettres de cette époque, dont malheureusement une petite partie seulement est publiée, le montrent avec un esprit inchangé, non sans une pointe d'amertume peut-être et une tendance au scepticisme plus accusé qu'autrefois, mais aussi perçant, aussi intraitable que jamais sur le chapitre de la vérité. Les honneurs qui commencent de l'accabler ne l'émeuvent guère, les flatteries l'irritent, les marques de sympathie lui paraissent dues plus à la publicité et au conformisme qu'à une reconnaissance sincère de ses idées. Quand la municipalité de Vienne, où la majorité appartenait enfin aux sociaux-démocrates, lui décerna le titre de citoyen d'honneur de la ville pour son 68e anniversaire, il écrivit à Abraham « D'autres peuvent avoir eu aussi l'idée que mon 68e anniversaire qui tombe après-demain risquait fort d'être le dernier, car la ville de Vienne s'est pressée de me donner pour ce jour-là le titre de citoyen d'honneur de la ville qui, autrement, doit attendre jusqu'à la 70e année. » Et à Ferenczi, qui s'informait de la signification du titre. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Son utilité semble être principalement rituelle. On peut le tenir pour non avenu. La même inflexibilité ressort d'une lettre à Stekel, qui, probablement très affligé par les bruits qui couraient à Vienne sur son état, l'avait prié d'oublier leurs anciennes querelles et d'accepter son aide contre les ennemis de la cause. « J'ai bien reçu votre lettre du 31 décembre 1923 et vous remercie des bons souhaits de rétablissement que vous y exprimez. Toutefois, je ne puis négliger de vous contredire sur quelques points importants. Vous vous trompez si vous croyez que je vous hais ou vous ai haï. La vérité, c'est qu'après vous avoir donné ma sympathie, vous vous souvenez peut-être de la façon dont nos relations ont commencé, j'ai dû pendant de longues années me fâcher contre vous alors que j'avais à vous défendre contre l'antipathie de tout mon entourage et que j'ai rompu avec vous dans une occurrence bien précise parce que vous m'aviez grossièrement trompé. C'était Zentralblatt, que vous ne mentionnez jamais dans vos lettres. À cette époque, j'ai perdu toute confiance en vous. Et depuis, il ne m'est rien venu de vous qui m'eût permis de la regagner. Je m'inscris aussi contre votre affirmation si souvent répétée que je vous ai chassé à cause de divergences scientifiques. Cela fait très bien devant l'opinion publique, mais ne répond pas à la vérité. Ce sont uniquement des traits personnels, ce qu'on appelle caractère et comportement qui nous ont ôté à mes amis et à moi toute possibilité de collaborer avec vous. Comme vous ne changerez certainement pas, vous n'en avez pas besoin, la nature vous ayant pourvu d'une dose exceptionnelle de contentement de vous-même, nos relations ne pourraient pas non plus être bien différentes de ce qu'elles furent les 12 dernières années. Je ne serais pas fâché d'entendre dire que votre activité médicale et littéraire vous vaut des succès. Je reconnais que vous êtes resté fidèle à l'analyse, que vous avez beaucoup fait pour elle. Vous lui avez aussi beaucoup nui. Il est certain que le tapage fait autour de son nom n'était pas toujours de nature à réconcilier Freud avec ses contemporains, lesquels, à part quelques esprits courageux, avaient effectivement un peu trop tardé à reconnaître son génie. En Amérique, l'engouement subi des gens prit la forme publicitaire habituelle. La presse et la publicité s'en mêlèrent, et même le cinéma, quand Samuel Goldwyn offrit à Freud de tourner un film psychanalytique où l'on verrait le secret des amours célèbres. En principe, nous l'avons dit, il n'avait rien contre la popularisation de ses idées. Aussi ne fut-il nullement choqué par cette proposition dont, pensait-il, le sérieux serait garanti par sa signature. Et puis, les caisses du Verlag étaient une fois de plus à sec et le contrat était fort tentant. Il accepta donc et ne tarda pas à se repentir de sa naïveté. Les pourparlers furent interrompus, et le projet repris par les psychanalystes allemands sans plus de succès. L'Europe se comportait plus sérieusement, mais à part l'Angleterre, qui un peu plus tard lui impartit la plus haute distinction qu'il ait jamais reçue, celle de membre correspondant de la Royal Society of Medicine, les milieux scientifiques de tous les pays restaient aussi muets que par le passé. En France, la médecine en général s'inspirait toujours des critiques malveillantes, voire malhonnêtes, dont Pierre Janet s'était fait une spécialité depuis l'époque de Charcot. Et ce ne fut pas elle, mais la littérature, qui eut le mérite d'intéresser à Freud une part active du public cultivé. André Breton et ses amis, puis André Gide, qui réclama une place d'honneur pour Freud dans la Nouvelle Revue française, prirent fait et cause pour la psychanalyse, en quoi savants et universitaires ne voulaient voir qu'une forme nouvelle d'outrance germanique, marquée par le mauvais goût et l'irrationalité, deux choses incompatibles avec le génie français. Dès 1926, cependant, la Société psychanalytique de Paris, fondée grâce à l'impulsion d'Eugénie Sokolnitska, élève de Freud et de Ferenczi, présida à une diffusion plus large des idées freudiennes dans les milieux psychiatriques. Et Édouard Pichon, médecin des hôpitaux, psychiatre d'enfants et linguiste distingué, fournit à la société son instrument de travail indispensable en élaborant avec soin le vocabulaire psychanalytique français. L'établissement de la psychanalyse en France fut grandement favorisé par la princesse Marie Bonaparte, qui, élève et amie de Freud, constitua pendant ces années le lien le plus solide entre Paris et Vienne. Outre ses travaux personnels, dont certains, comme son ouvrage sur Edgar Poe, l'ont rendu célèbre, Marie Bonaparte a traduit de nombreux ouvrages de son maître auxquels la liait une indéfectible amitié. C'est à son initiative, à son aide morale et matérielle, qu'on doit le premier institut français de psychanalyse à qui elle a légué son importante bibliothèque et des documents encore inédits. En 1938, son courage, son intelligence, son dévouement ont permis à Freud et à sa famille d'échapper à temps aux nazis. La situation en Allemagne était un peu différente, car là, les polémiques provoquées par Freud étaient plus anciennes et plus âpres. Plus fanatiques aussi, les adhésions qui, pour les intellectuels inquiets de l'entre-deux-guerres, prenaient souvent le sens d'une profession de foi politique. Malgré quelques conversions retentissantes de médecins et de psychiatres, le corps médical allemand restait foncièrement hostile à l'analyse. Et, tout comme en France, l'honneur de l'intelligence fut sauvé par les écrivains et les artistes. Pendant les convulsions politiques qui précédèrent l'avènement du nazisme, tout ce que l'Allemagne comptait d'hommes lucides et talentueux salua en Freud non seulement l'un des plus grands hommes de l'époque, mais une figure exemplaire incarnant le courage indomptable de l'esprit. Certains des écrivains les plus connus étaient dès longtemps ses amis. Il correspondait avec Arthur Schnitzler, Stefan Zweig, Arnold Zweig, Thomas Mann, et ce dernier, dont la position était exceptionnelle dans les lettres allemandes, eut la rare élégance de mettre sa propre gloire à son service, comme pour réparer la bêtise de ses compatriotes et l'injustice des savants. À partir de 1926, les anniversaires de Freud cessèrent d'appartenir au petit groupe de ses fidèles et entrèrent dans la littérature en donnant lieu à des hommages publics auxquels les plus grands noms tinrent à s'associer. En 1930, le docteur Alphonse Paquet, secrétaire du prix Goethe de la ville de Francfort, proposa de lui décerner le prix pour l'ensemble de son œuvre, bien qu'elle n'eût pas le caractère littéraire requis par les statuts. Cette proposition déchaîna une belle tempête, mais Alphonse Paquet, Alfred Döblin et d'autres personnalités importantes tinrent bon et finirent par l'emporter, de sorte que Freud, qui avait dû renoncer à tant de satisfactions légitimes, reçut la seule distinction à quoi, sans doute, il n'eut jamais pensé. Le 3 août 1930, il écrivit à Alphonse Paquet pour le remercier. « Je n'ai pas été gâté par les honneurs officiels. Et partant, je me suis arrangé pour n'en avoir pas besoin. Pourtant, je ne nierai pas que l'attribution du prix Goethe de la ville de Francfort ne m'ait fait grand plaisir. Ce prix a quelque chose qui réchauffe l'imagination, et l'un des articles de son statut écarte l'humiliation qui, autrement, est liée à ces sortes de distinctions. Je veux vous remercier spécialement de votre lettre qui m'a ému et surpris. Sans parler de l'aimable façon dont vous approfondissez le caractère de mes travaux, jamais encore je n'ai rencontré quelqu'un qui reconnaisse avec autant de clarté les intentions secrètes et personnelles de mon œuvre. J'aimerais bien savoir d'où vous les tenez. Malheureusement, je ne pourrai pas me rendre à Francfort pour la cérémonie, je suis trop faible pour une pareille entreprise. Mais l'assistance n'y perdra rien. Ma fille Anna est sûrement plus agréable que moi à regarder et à entendre. Elle lira quelques phrases qui, touchant les rapports de la psychanalyse avec Goethe, seront de nature à défendre les psychanalystes contre le reproche d'avoir pris Goethe pour objet de leurs essais et, par là, manquer au respect dû à un grand poète. Le 75e anniversaire du savant, qui maintenant était regardé comme l'un des trois plus grands juifs contemporains, les deux autres étant Bergson et Einstein, fut marqué dans le monde entier par d'innombrables manifestations de sympathie, à quoi Freud put voir que partout, sauf à Vienne, les temps avaient vraiment changé. La célèbre maison de la Berggasse fut submergée par les télégrammes, les cadeaux, les fleurs, et Freud, du fond de sa chambre de malade, reçut l'hommage de ses contemporains les plus fameux, Romain Rolland, Wells, Einstein, Selma Lagerlöf, Theodor Dreiser et bien d'autres. Mais, ayant subi une terrible opération, épuisé par la faim et incapable de parler, il ne put voir un seul de ses amis. Tandis qu'à Dresde, le 6e congrès de médecine psychiatrique sous la présidence du célèbre Kretschmer consacrait ses travaux à la psychologie du rêve et qu'à New York, 200 personnalités se réunissaient pour célébrer l'anniversaire, on pouvait lire dans un grand journal de Berlin l'hommage suivant de Thomas Mann. L'admiration la plus sincère pour le grand chercheur de l'humain et pour sa chevalerie de la vérité a toujours fait partie de mon fond personnel. Oui, il a beaucoup de traits du chevalier de Dürer. De ce chevalier entre la mort et le diable, auquel Nietzsche semble faire allusion quand il parle de Schopenhauer, cet autre parent de Freud. Un homme, un chevalier au regard d'airain, qui a le courage d'être lui-même, qui sait être seul et n'attend ni les ordres de ceux qui le précèdent, ni les signes d'en haut. Il n'a jamais tenu compte de ce fait que les hommes n'entendent que ce qui les flatte. Il n'a jamais parlé aux croyants des récompenses de la vertu, à Ixion des nuages, au roi du prestige de la personne, au peuple de liberté et d'égalité. Il a détruit des illusions, scandalisé l'humanité en lui proposant des connaissances d'un naturalisme radical qui semblait menacer sa dignité et provoquer des résistances dont les raisons lui étaient évidentes. Mais toute critique de son œuvre, je veux dire toute critique qui n'entend pas aller plus loin que la psychanalyse mais retourner en arrière, toute critique a quelque chose de vain et stérile, même là où est la raison, et l'on a peine à comprendre que ceux qui le couvrent de raillerie ne s'aperçoivent pas de la vanité de leurs efforts. Je suis heureux d'avoir eu l'occasion, encore qu'il soit trop tard pour s'en faire un quelconque mérite, de professer ainsi ma foi devant lui. J'en suis heureux parce que le grand vieil homme en a éprouvé de la joie. La gratitude qu'il m'a montrée quand je lui ai donné une place dans la vie spirituelle allemande, à lui qui croyait être pour cette nation un corps étranger, cette gratitude m'a profondément ému. Je serais tenté de communiquer bien des choses caractéristiques et révélatrices de la magnifique lettre qu'il m'a écrite alors, mais je ne le dois pas sans sa permission. Je prendrai pourtant la liberté de citer une seule phrase, supposant que les lecteurs préféreront un mot inconnu de Freud qu'un mot sur lui. « J'ai toujours admiré et envié les poètes, surtout quand, comme l'idéal de ma jeunesse, Lessing, ils soumettaient leur art à la pensée et le mettaient à son service. » En cette année 1931, qui vit l'effondrement économique de l'Autriche et en Allemagne le premier déferlement de l'hitlérisme, la publication des œuvres complètes de Freud prit les proportions d'un événement symbolique. Les intellectuels d'extrême gauche, qui entraient dans la phase désespérée de leur inutile combat, sentaient que la révolution psychanalytique était désormais inséparable de l'autre. La revue littéraire et politique Die Weltbühne, dont le directeur Karl von Ossietzky allait être une des premières victimes des nazis, publia sous la signature du poète Kurt Tucholsky l'un des plus beaux hommages et sûrement le plus juste que Freud put attendre de son vivant. L'édition complète des œuvres de Freud est publiée. 11 volumes qui ébranlèrent le monde. L'un des rares hommes qui voit cet homme correctement paraît être Freud lui-même. Avec les lauriers de sa gloire, il peut décorer les pommes pourries de ses adversaires, et s'il est sage, il doit contempler la troupe de ses élèves et se faire sa petite idée. Laissons là les mauvais élèves, tenons-nous-en au bon et à lui. C'est le destin des vérités, selon Schopenhauer, qu'elles paraissent d'abord paradoxales, puis triviales. Freud en fournit un bon exemple. Mais ses œuvres complètes montrent encore autre chose. De cette œuvre, la chair, le fortuit, le quotidien commencent de se détacher, et il reste le squelette. Nous ne pouvons pas savoir ce qui en sera conservé en 1995, ni même s'il en restera quelque chose sous la forme qu'il lui a donnée. Elle continuera à agir, cela on peut l'affirmer. Freud a ouvert une porte qui jusque-là était fermée. Il y a des parties dans ces 11 volumes, surtout dans les premiers, qui font l'effet d'un captivant roman policier. Voyez comment les théories germent lentement, sortent de l'organe brisé, voient le jour et font soudain leur apparition avec force et assurance. L'art de Freud est égal presque partout. dans les ouvrages fondamentaux et dans les essais courts, comme ce merveilleux texte à la mémoire de Charcot. Un esprit clair, doué pour ordonner méthodiquement et partout à l'œuvre. Ce qui est à la mode dans ses écrits passera. La joie puérile qu'éprouvent les Américains et d'autres peuples déformés par le puritanisme à parler enfin publiquement de la sexualité, ça n'a pas grand-chose à voir avec Freud. Restera le grand rénovateur des vieilles vérités ensevelies, de cette vérité que la volonté de l'homme n'est pas libre. Les limites de Freud sont visibles dans ses œuvres. Il n'est pas le bon Dieu. Mais il nous a appris à discerner dans les critiques qu'on lui fait la part de la maladie. Soit dit à l'intention des catholiques à demi cultivés, son œuvre est la Bible des impies. On ne comprend pas le monde quand on ne connaît pas ses livres. Sigmund Freud aura 75 ans le 6 mai prochain. Nous le saluons en tout amour et respect. RTF France 3 Nationale vous a présenté en seconde diffusion La liberté coupable. RTF France 3 Nationale vient de vous présenter La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série, La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Michel Bouquet, René Farabet, Claude Martin, Pascal Mazzotti, Jean Muselli et Jean Topard dans La gloire. Prise de son Sam Niesviski, assistante Marie-Andrée Armino. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 Nationale le 13 juillet 1963. Tout de suite, le dernier volet de cette série, diffusé la semaine suivante. RTF France 3 Nationale présente en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série, La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Michel Bouquet, Roger Brett, René Farabet, Jean Muselli et Jean Topard dans Moïse et l'exil. Au moment où il recevait le prix Goethe, Freud dut sentir que sa carrière entrait dans une phase mélancolique où, n'ayant plus rien de nouveau à dire, il lui faudrait attendre la mort en se protégeant de son mieux contre les déformations de la légende. Pour cet homme chez qui la pensée n'avait été qu'une longue action, se survivre Être dressé au milieu du présent comme un monument vénérable était assurément une perspective humiliante à quoi il ne voulut jamais se résigner. La mort de sa mère, survenue après un lent déclin à l'âge de 95 ans, lui donna enfin l'espoir d'y échapper en vertu d'un singulier raisonnement qu'il avait maintes fois fait sien et qu'il reprend dans une lettre à Ferenczi. Il m'a fait un effet étrange, ce grand événement. Pas de douleur, pas de deuil, ce qui s'explique sans doute par les circonstances particulières. Son grand âge, ma pitié pour l'état d'impotence où elle était réduite à la faim. En revanche, un sentiment de libération. L'impression d'être délié d'un engagement que je crois aussi bien comprendre, c'est que, tant qu'elle était en vie, je n'avais pas le droit de mourir et que maintenant je l'ai. Comme si souvent déjà, Freud se croit définitivement stérile. Et ses 70 ans, la misère physique où le laisse chacune de ses opérations semble bien l'y autoriser. Pourtant, son activité littéraire est loin d'être finie, mais elle n'est plus sa tâche principale. Ce qu'il veut surtout maintenant, c'est opposer aux exagérations de la gloire, d'où qu'elles viennent, l'image exacte de sa personne et de sa vie. S'il est peiné des attaques ou de la perfidie de certains éloges, il ne tolère pas davantage les apologies trop zélées qui font de lui un personnage de convention et par là amoindrissent son humanité. Une bonne part de sa correspondance des 10 dernières années traduit ce souci constant de rectifier toutes les erreurs qui courent déjà sur son compte, qu'elles soient dues à l'ignorance, à une malveillance plus ou moins camouflée ou à l'admiration un peu trop emphatique de ses amis. Ainsi, dans une lettre à un auteur américain qui le comparait aux deux plus grands représentants du génie juif contemporain. À mon avis, si vos objections contre ma conception des actes manqués sont justes, j'ai bien peu de titres à être cité avec Bergson et Einstein parmi les souverains de l'esprit. Vous voyez où je veux en venir. Je ne tiens ni à recevoir le prix Nobel, ni à être discuté dans tous les journaux. Je n'ai pas d'autre ambition que d'avoir gagné une portion utilisable de connaissances nouvelles. Je n'ai pas encore lu le chapitre de votre livre qui traite de la psychanalyse. Je crains d'y trouver des inexactitudes qui me feront de la peine. Je ne me reconnais pas dans certaines de vos affirmations. Par exemple, personne ne m'a encore reproché des mystical leanings. Dans la question de l'hypnose, j'ai pris parti contre Charcot. Encore que ce ne fût pas tout à fait avec Bernheim. Je ne me reconnais pas davantage dans l'image repoussante que vous avez retenue de mon physique. Le même souci de rigueur, le même désir têtu d'être vu tel qu'il est, sans l'inutile ornement d'une grandeur d'emprunt, s'exprime dans deux lettres écrites à Stefan Zweig à propos de la guérison par l'esprit, ouvrage dont nous avons déjà cité un passage et où Freud, avec des sentiments mélangés sans doute, pouvait voir son propre portrait. Je pourrais vous reprocher d'insister par trop exclusivement sur l'élément de correction petite bourgeoise que je porte en moi. Le bonhomme est tout de même un peu plus compliqué. Votre description ne cadre pas avec le fait que j'ai eu mes maux de tête et mes fatigues tout comme un autre. Que j'ai été un fumeur passionné, je voudrais bien l'être encore, redevable au cigare de ses capacités de travail et de la plus grande partie de sa domination de lui-même. Que, en dépit de mon peu d'exigences matérielles, tellement vantées, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour ma collection d'antiquités grecques, romaines et égyptiennes, et qu'en réalité, j'ai lu plus d'ouvrages d'archéologie que de psychologie. Que, avant la guerre et même une fois après, il me fallait absolument aller une fois par an à Rome pour quelques jours ou quelques semaines. Je sais par l'art de la miniature que le format oblige l'artiste à des simplifications et à des omissions. Mais alors, on en vient aisément à falsifier l'image. Un an plus tard, Stefan Zweig reçut une autre rectification qui, cette fois, ne portait pas sur son portrait moral, mais sur l'historique de ses découvertes, plus essentielle encore à ses yeux. J'ai trouvé, page 272, une erreur qui ne peut pas être jugée indifférente et, si vous acceptez cette considération qui diminue aussi beaucoup mon mérite, on y lit que la malade de Breuer aurait avoué sous hypnose qu'au chevet de son père, elle aurait ressenti et réprimé certains sentimenti illiciti, donc de nature sexuelle. En vérité, elle ne dit rien de tel, mais donna à entendre qu'elle voulait cacher au malade son état d'agitation et surtout sa tendresse inquiète pour lui. En eût-il été, comme vous le dites dans le texte, tout se serait passé autrement. Je n'aurais pas été surpris par la découverte de l'étiologie sexuelle des névroses. Breuer aurait eu de la peine à y contredire, et je n'aurais probablement pas abandonné l'hypnose qui eût permis d'aussi sincères aveux. Ce qui était réellement arrivé à la malade de Breuer, je fus à même de le deviner longtemps après notre rupture, quand je me rappelais une remarque qu'il m'avait faite longtemps avant notre collaboration, sans jamais la répéter depuis. En 1921, il publie les nouvelles conférences sur la psychanalyse, un recueil de cours fictifs qui forme la suite de ses premières leçons et où il trace un tableau complet de ses idées. La même année, il écrit en collaboration avec Einstein « Pourquoi la guerre ?», un texte commandé par la Société des Nations, où il oppose au pacifisme de son illustre confrère ses propres vues sur la nature humaine, dont le vrai fond, selon lui, est toujours la guerre et la haine. Mais il est dit qu'il ne finira pas son œuvre en paix, et que, pour longtemps encore, les événements donneront raison à son pessimisme. Quelques mois après « Pourquoi la guerre ?», c'est le triomphe nazi en Allemagne, l'incendie du Reichstag, le début de l'exode des psychanalystes allemands et l'afflux de nombre d'entre eux à Vienne. En avril 1933, Ferenczi, qui décline rapidement et se trouve alors dans une phase aiguë de sa maladie mentale, supplie Freud de fuir avant qu'il ne soit trop tard. Dans la dernière lettre qu'il lui écrit, celui-ci refuse en disant « S'il me tuait, ce serait après tout une mort comme une autre ». Un mois plus tard, la mort de Ferenczi le laisse en apparence presque insensible. Il est vrai que cet homme, le plus cher d'entre ses disciples, était depuis longtemps la proie d'un terrible délire où sa merveilleuse intelligence, comme son affection passionnée pour son maître, avait peu à peu sombré. Au même moment, Freud apprend que ses livres sont brûlés à Berlin. Mais il l'avoue en citant un poète, il a cessé de comprendre le monde. Et il croit encore que ce théâtre barbare n'a que la valeur d'un sinistre symbole. Il ne soupçonne pas que c'est le prélude à l'extermination réelle de son peuple et que 12 ans plus tard, les 4 sœurs qu'il laissera à Vienne figureront parmi les millions de martyrs. Bien entendu, la psychanalyse allemande, juive par nature, est de toutes les institutions la première touchée. Aitingen, polonais de nationalité, est sommé de quitter la direction de l'Institut de Berlin et décide d'émigrer. Installé en Palestine, il y fonde un institut qui existe toujours et où les psychanalystes israéliens continuent de se former. À la fin de cette année 1933, qui pour tant d'hommes marqua la fin d'un monde, l'un des 2 centres d'origine de la psychanalyse européenne, le plus vivant et le plus riche d'avenir, est définitivement détruit. En juin 1933, la Deutsche Allgemeine Ärztliche Gesellschaft für Psychotherapie, c'est-à-dire la Société allemande de psychiatrie, passe sous le contrôle des autorités nazies. Le président, Kretschmer, donne aussitôt sa démission. Il est remplacé par Jung, qui, notons-le, n'était soumis comme Suisse à aucune espèce de pression. Jung édite également le Zentralblatt für Psychotherapie, organe officiel de la société où, en 1936, on lui adjoint comme co-directeur le docteur Göring, un cousin du chef nazi. La tâche spéciale de Jung au sein de cet organisme était d'établir une ligne scientifique de partage entre la psychologie arienne et la psychologie juive, autrement dit, entre la doctrine de l'inconscient collectif et la psychanalyse de Freud, contre laquelle la revanche était maintenant facile. Le docteur Göring s'efforça du reste d'éviter la dissolution complète de la Société psychanalytique de Berlin, qui subsista quelque temps grâce à la démission de ses membres juifs, offerte spontanément dans l'illusion qu'un compromis sauverait peut-être en partie la cause. Mais ici, comme dans bien d'autres cas, les sacrifices et les compromis ne servirent à rien. Jones raconte à quels invraisemblables, pour parler, il dut consentir pour tenter de garder un semblant d'existence au groupe psychanalytique des enjuivés. Je trouvais en Göring un homme très aimable et accessible. Mais comme on le vit plus tard, il n'avait pas le pouvoir de garantir au groupe psychanalytique le degré de liberté qu'il nous avait promis. Les analyses didactiques furent supprimées, les cours momentanément tolérés. Göring ou sa femme voulurent assister en personne à ces derniers pour s'assurer qu'on n'y employait aucun concept psychanalytique. C'est ainsi qu'il fallut trouver un synonyme pour le complexe d'Édipe. En janvier 1937, Böhm réussit à se rendre à Vienne et Freud lui proposa d'exposer la situation devant un groupe plus étendu, ce qu'il fit le lendemain. Il parla 3 heures, jusqu'au moment où Freud éclata et l'interrompit par ces mots. « Assez. Pendant des siècles, les Juifs ont souffert pour leurs convictions. Il est temps que nos collègues chrétiens soient prêts à souffrir pour les leurs. Je n'attache aucune importance à ce que mon nom soit prononcé en Allemagne, pourvu que mon œuvre y soit authentiquement représentée. » On ne s'étonnera pas que ces événements aient incliné Freud à une méditation nouvelle sur le peuple qu'il a toujours appelé sien et qui maintenant plaçait le monde devant son étrange destin. Plus que jamais, il pense à la Bible. Et même, il se tourne vers cette inconcevable terre promise qui ne lui a jamais inspiré la moindre pensée et dont il se sent tout à coup solidaire, sans comprendre ce qu'il lui doit, ni ce qui peut l'y attacher. Cette idée, qui annonce déjà son grand travail sur Moïse, est le sujet d'une lettre à Arnold Zweig, qui revenait de Palestine, et songeait à y émigrer. « La Palestine n'a créé que des religions, des délires sacrés, des tentatives orgueilleuses visant à dominer par les désirs de la vie intérieure le monde illusoire du dehors. Et nous en sommes originaires, bien que l'un de nous deux croit être aussi un Allemand, l'autre pas. Nos ancêtres y ont peut-être vécu pendant un demi-millénaire, peut-être un millénaire entier. Cela aussi n'est qu'un peut-être. Et qui dira ce que la vie dans ce pays a laissé comme héritage dans notre sang et dans nos nerfs ? Tandis qu'il tâche de se persuader que la peste épargnera l'Autriche, ou que, si elle y entre, la haute civilisation de son pays ou la vigilance des alliés lui imposeront au moins des limites, Freud rejoint par-delà le temps les grandes figures bibliques auxquelles son peuple doit ses persécutions autant que sa mystérieuse durée. Moïse, surtout, le hante, mais aussi les patriarches, et Joseph, dont il sait depuis toujours qu'il se reconnaît en lui. Les histoires de Joseph, publiées à ce moment par Thomas Mann, viennent raviver cet intérêt pour le héros qui, jadis, revêtait dans la science des rêves tant de formes significatives. Thomas Mann, ayant fait sur ce sujet une brillante conférence, très inspirée par la psychanalyse, Freud lui écrit « Voici ma question. Y a-t-il un personnage historique pour qui la vie de Joseph était un modèle mythique ? De telle sorte que, derrière l'image complexe de sa vie, on puisse soupçonner ce fantasme comme un ressort démoniaque et secret. Je dis que oui. Ce personnage est Napoléon Ier. A. Il était corse. Deuxième né d'une troupe d'enfants. Son frère aîné s'appelait Joseph. Et cette circonstance, celle-là, son destin. Tant il est vrai que les choses fortuites et la nécessité s'enchevêtrent toujours dans une vie humaine. Dans la famille corse, une crainte sacrée, très particulière, préserve les privilèges de l'aîné. Je crois qu'Alphonse Daudet a dépeint cela dans un de ses romans, Le Nabab. Ou bien me tromperais-je? Ailleurs, peut-être. Est-ce dans Balzac? Par cette coutume corse, une relation humaine normale se trouve très exaltée. Le frère aîné est le rival naturel. Le plus jeune lui porte des sentiments d'hostilité élémentaires, insondablement profonds, pour lesquels, par la suite, on trouve les termes convenables de souhait de mort et de désir meurtrier. Éliminer Joseph, se mettre à la place de Joseph, être soi-même Joseph, telle dut être la tendance affective la plus puissante du petit enfant Napoléon. C'est un fait singulier, et on ne le comprend pas tout à fait, mais l'observation ne permet pas d'en douter que ces penchants infantiles, précisément parce qu'ils sont excessifs, tendent à se retourner en leur contraire. Le rival haï devient un rival aimé. Ainsi dans le cas de Napoléon. Nous devinons qu'il a d'abord passionnément détesté Joseph, mais nous apprenons que c'est lui qu'il a le plus aimé parmi les autres hommes et que, contre ce personnage médiocre et indigne de confiance, il n'a jamais pu se fâcher. La haine originelle avait donc été surcompensée. Mais les sentiments agressifs déchaînés jadis n'attendaient qu'une occasion de se transférer sur d'autres objets. Des centaines de milliers d'individus indifférents ont dû payer pour ce fait que le petit forcené avait épargné son premier ennemi. B. À un autre niveau, le jeune Napoléon est tendrement attaché à sa mère. Et, auprès de ses frères et sœurs, il s'efforce de jouer le rôle du père précocement disparu. À peine est-il devenu général qu'on lui conseille d'épouser une jeune veuve qui, plus âgée que lui, possède un rang et de l'influence. Il y aurait sur elle beaucoup à redire, mais le fait qu'elle s'appelle Joséphine est probablement décisif pour lui. C. Ses sentiments amoureux pour Joséphine Beauharnais étaient liés obsessionnellement au nom, mais, bien entendu, il ne représentait pas une identification véritable avec le personnage de Joseph. L'occasion où celle-ci se manifeste avec le plus d'éclat est la fameuse expédition d'Égypte. Si l'on est Joseph et que l'on veut paraître grand devant ses frères, où ira-t-on, sinon en Égypte? En examinant de près les motifs politiques de cette entreprise du jeune général, on trouverait probablement qu'il n'était rien d'autre que la rationalisation forcée d'un fantasme. Avec cette expédition de Napoléon commence d'ailleurs la redécouverte de l'Égypte. D. Le dessein qui avait poussé Napoléon en Égypte est réalisé plus tard en Europe. Il pourvoit ses frères, les élève à la dignité de prince et de roi. Jérôme, l'incapable, est peut-être son Benjamin. Puis, il devient infidèle à son propre mythe et, se laissant guider par des considérations réalistes, répudie sa bien-aimée Joséphine. C'est le commencement de son déclin. Le grand destructeur travaille maintenant à sa propre destruction. La folle aventure de Russie, mal préparée, le mène à sa perte. C'est une auto-punition pour son infidélité à l'égard de Joséphine, pour la régression qui a remplacé son amour par son hostilité primitive contre Joseph. Et pourtant, ici encore, le destin contre son gré a répété une autre phase de l'histoire de Joseph. Le rêve où Joseph avait vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. C'est à cause de lui qu'on l'avait jeté dans la fosse. Quand il envoie à Thomas Mann ce petit essai psychanalytique où les fantasmes des héros sont conçus comme les ressorts secrets de l'histoire, Freud a déjà écrit, puis refait, et enfin abandonné les trois essais qui composent son Moïse. À part Anna, son fils Martin et un ou deux analystes, personne alors n'en a lu le texte, et peu de gens connaissent même l'existence du projet. En 1934, au milieu des événements politiques de plus en plus menaçants, de la guerre civile à Vienne et des souffrances intolérables que lui causent son état et les suites de ses traitements, Freud s'est attaqué tout à coup au grand problème qui l'a hanté toute sa vie, celui de l'origine des religions et du degré de vérité qu'il faut leur accorder tant pour la psychologie de l'individu que pour l'histoire de l'humanité. La source de ces religions qui ont fait l'histoire, il faut la chercher dans le monothéisme juif et dans l'âme de son fondateur, ce Moïse solitaire dont la loi grandiose a été bafouée par ceux-là même qui en avaient le dépôt, puis révéré et aimé comme un don divin. Troublé par le problème de ses propres origines, obsédé par les causes des persécutions actuelles qui dépassent en horreur toutes celles du passé, Freud va demander à Moïse qui il était, et s'il est vrai qu'en des temps immémoriaux, il a créé non seulement le Dieu unique, mais le peuple qui aujourd'hui se dit l'élu de Dieu. C'était une singulière démarche au moment où les Juifs pieux devaient tenir plus que jamais à leur prophète et à la lettre sacrée de sa loi. Freud le sentit bien. Ses lettres de cette époque le montrent tout à la fois passionné par son travail et inquiet, intimidé, presque effrayé par ses résultats. La vaste fresque psychologique qu'il projetait Était-elle malgré tout dans son esprit un hommage indirect à son peuple? On pourrait le croire, mais il ne lui appartenait pas de le dire. Le fait est que, à part la thèse d'un Moïse égyptien, thèse scandaleuse pour les croyants et fort contestable pour les archéologues et les historiens, l'ouvrage retrace une épopée spirituelle où la figure du prophète législateur rayonne de force d'intelligence et de lumière. Incompris, bafoué, assassiné par ceux qu'il voulait élever jusqu'à lui, Moïse, sans autre secours que sa formidable vision de l'homme, transcende le temps et fonde la civilisation morale d'où tout un monde est né. La mystérieuse pérennité du peuple juif est son fait. Elle n'a pas d'autre cause que son destin de héros tragique et la puissance de sa terrible volonté. En 1934, les trois essais sont achevés. Mais Freud décide de les garder secrets, pour des raisons qu'il expose maintes fois dans des lettres, mais qui ne sont pas très convaincantes et restent en partie obscures. Ainsi, dans une lettre de septembre 1934 à Arnold Zweig, « Devant les nouvelles persécutions, on recommence à se demander comment le juif s'est fait. Et pourtant, il s'est attiré cette haine immortelle. J'eus bientôt trouvé la formule. C'est Moïse qui a créé le juif. Et mon travail fut intitulé « L'homme Moïse, roman historique ». Avec plus de raison que votre roman sur Nietzsche. La chose se divisait en trois parties. La première intéressante comme un roman, la deuxième laborieuse et tirée en longueur, la troisième pleine de substance et de prétention. Cette dernière a fait échouer l'entreprise car elle apportait une théorie de la religion n'ayant, il est vrai, rien de neuf pour moi après Totem et Tabou, mais nouvelle et fondamentale pour les étrangers. C'est par égard pour ces étrangers que j'ai décidé de garder l'essai entier secret. Car nous vivons ici dans une atmosphère de stricte orthodoxie catholique. On dit que la politique de notre pays est faite par un certain Pater Schmidt, qui vit à Saint-Gabriel, près de Modlin. On peut s'attendre qu'une publication de moi fasse un certain bruit et n'échappe pas à l'attention hostile du père. On risquerait ainsi une interdiction de la psychanalyse à Vienne et l'interruption chez nous de tous nos travaux. Je ne m'en laisserai pas imposer si la menace ne concernait que moi. Mais réduire tous nos membres de Vienne au chômage, c'est une trop grande responsabilité. Avec cela, mon travail ne me paraît pas tellement assuré et est bien loin de me plaire. Ce n'est donc pas la bonne occasion d'aller au martyr. Faut-il prendre tout à fait à la lettre ces motifs purement diplomatiques ? Freud n'en a pas donné d'autres, ce sont eux qu'il fait figurer dans son livre pour en expliquer la composition quand, en 1938, ayant à jamais quitté Vienne, il décide enfin de le livrer au public. L'ouvrage se compose de trois parties, dont les deux premières, Moïse, un Égyptien, et si Moïse était Égyptien, forment un tout. Et furent publiés en 1937 dans la revue Imago, tandis que la troisième, intitulée « Moïse et son peuple », a subi de nombreux remaniements avant de trouver sa forme définitive. Cette fois, il ne s'agit plus de l'aspect illusoire et consolant de la religion, mais de l'idée grandiose que la religion contient une part de vérité historique. Plus qu'à l'avenir d'une illusion, c'est donc à Totem et Tabou que se rattache le Moïse. Sauf que le crime premier, générateur d'ordre et de civilisation, n'est plus placé dans les ténèbres de la préhistoire, mais dans le plein jour de la réalité historique. Moïse, un prince égyptien, adepte du monothéisme fondé au XIVe siècle avant Jésus-Christ par le pharaon Amenhotep IV, est obligé de fuir l'Égypte quand les prêtres des anciens cultes se révoltent et renversent la religion de son maître. Décidé à garder et à propager sa foi, il se choisit un peuple parmi les tribus hébreux qui vivent en esclavage aux confins de l'Empire et à qui, désormais, il impose sa loi. Mais ce peuple primitif, qui a bien été élu, n'est pas mûr pour comprendre la sublimité de sa pensée. Incapable de supporter les énormes frustrations instinctuelles qu'entraînent la foi et la morale monothéistes, il revient sans cesse au culte du veau d'or dont la Bible a gardé le souvenir et se révolte contre son chef spirituel. Au cours d'une de ces révoltes, les Israélites assassinent Moïse, mais comme les fils meurtriers de Totem est tabou, jamais ils n'oublieront leur crime. C'est leur remords qui, au cours des siècles, donnera à la loi mosaïque sa forme idéale et son contenu imprescriptible. C'est l'horreur de leur acte ancien, non pas mythique, mais réel, qui assurera historiquement leur surprenante durée. Que Freud, malgré le caractère dramatique et criminel qu'il prête aux événements bibliques, soit fasciné par l'œuvre de Moïse, qu'il l'admire même, et pas seulement en psychologue, mais en moraliste, en humaniste, épris de raison et de vérité, c'est ce qui ressort d'une lettre à un correspondant anonyme où il dit « J'ai été étonné de constater que la première expérience du peuple, expérience embryonnaire pour ainsi dire, l'influence de l'homme Moïse et de la sortie d'Égypte, a déterminé toute son évolution ultérieure jusqu'à nos jours comme un vrai traumatisme de la petite enfance dans l'histoire de l'individu névrotique. Je mets ici au premier plan l'accent porté sur les choses d'ici-bas dans la conception de la vie. Le triomphe remporté sur la pensée magique et le refus de la mystique, deux choses qu'il faut attribuer à Moïse, et même, sans pouvoir l'assurer avec toute la certitude historique désirable, à quelques autres après lui. Serait-ce trop incliner sa pensée que de le compter parmi ces quelques autres qui, bien longtemps après Moïse, ont continué son œuvre en luttant contre la pensée magique et la mystique au nom d'une haute exigence de l'esprit. Son Moïse, en qui, notons-le, il accentue avec force la nature virile, présente avec lui-même bien des ressemblances que, naturellement, il devait laisser deviner. Comme Moïse, il a promulgué une loi difficile qui abrogeait les anciens cultes superstitieux, mais les siens se sont révoltés contre lui et périodiquement sont retombés dans l'apostasie. S'ils ne l'ont pas tué, ils l'ont souvent abandonné, trahi, méconnu. Et maintenant, le remords, le sentiment d'un tort irréparable à son égard, les pousse à une vénération excessive de sa personne. Mais, comme Moïse, il ne sait pas ce que deviendra son œuvre, et avant de mourir, il lui faudra subir encore une dernière épreuve, l'exil. Jusqu'en 1938, Freud refuse obstinément de quitter Vienne, qui pour lui est le poste où il a été placé et qu'il a le devoir de tenir. Au début de l'année, il se soumet à l'une des opérations qui sont devenues habituelles dans sa vie, mais cette fois, la biopsie est plus que suspecte, son carcinome a récidivé. 10 jours plus tard, néanmoins, il recommence à recevoir sa clientèle, et en mars, quand les nazis envahissent l'Autriche, il continue de repousser le projet de Jones, qui, accouru en hâte à Vienne, le presse de se réfugier en Angleterre. Enfin, il se résigne à partir. Il s'agit maintenant d'obtenir l'indispensable visa de sortie que les nazis semblent disposés à lui accorder, ou plutôt à lui vendre, le plus cher possible. Un groupe de SA fait une perquisition chez lui, mais impressionné peut-être par l'accueil de Martha, qui les invite gentiment à s'asseoir, les hommes se bornent à emporter 840 dollars et laissent documents et papiers. Une semaine plus tard, ils reviennent, et cette fois emmènent Anna, qui reste prisonnière de la Gestapo toute la journée. Cependant, l'opinion internationale s'émeut. William Bullitt, l'ambassadeur des USA en France, télégraphie à Roosevelt, son ami personnel, pour lui demander d'intervenir immédiatement auprès des autorités allemandes. Il fait également une démarche auprès de l'ambassadeur d'Allemagne en France et Eduardo Weiss demande de l'aide à Mussolini. Il est probable que cette vigilance internationale a évité à Freud molestation ou tracasserie, mais que, de toute façon, les nazis l'eussent laissé partir. Le Verlag a été placé sous séquestre, les œuvres complètes de Freud mises au pilon. Le 13 mars, la Société psychanalytique viennoise prononce sa dissolution et décide l'émigration de tous ses membres. Elle devra se reconstituer là où Freud pourra résider. Celui-ci accepte en disant « Immédiatement après la destruction du temple de Jérusalem par Titus, Rabbi Yochanan ben Sakai demanda l'autorisation d'ouvrir la première école rabbinique à Jabné. Nous sommes en voie de faire la même chose. Après tout, nous sommes habitués aux persécutions. » Jones s'emploie à obtenir les nombreux visas d'entrée qu'il faut, non seulement pour Freud, mais pour ses enfants et petits-enfants, ses domestiques, ses médecins personnels, et aussi pour ceux des psychanalystes viennois qui vont tenter de s'installer en Angleterre. le physicien Bragg, dont il sollicite une recommandation pour le ministre Sir Samuel Hoare, lui demande naïvement « Êtes-vous sûr que les Allemands sont hostiles aux Juifs ?» Heureusement, le ministre est mieux informé. Il accorde les visas nécessaires, de sorte que l'existence de Freud en Angleterre est assurée. Suivent 3 mois d'attente, pendant lesquels les tractations avec les nazis continuent. Freud, pour se distraire, traduit le roman de Marie Bonaparte sur son chien Topsy, et travaille encore à la 3e partie du Moïse. Enfin, les autorités consentent au départ, moyennant un impôt spécial sur l'émigration qu'il faut évidemment verser comptant. Freud n'a pas d'argent. Marie Bonaparte lui avance les 4 824 $ qui représentent sa caution. À son fils Ernst, qui l'a précédé à Londres, Freud écrit en attendant de partir. « Deux perspectives me restent pendant ces jours sombres. Vous voir tous ensemble et to die in freedom. Je me compare parfois au vieux Jacob, qui, lui aussi, à un âge avancé, fut emmené en Égypte par ses enfants, ainsi que Thomas Mann nous le dira dans son prochain livre. Espérons qu'il n'en résultera pas un autre exode comme autrefois. Il est temps qu'Ahasvérus trouve le repos quelque part. » Le 4 juin 1938, Freud quitte la ville où il a passé 79 ans de sa vie. Après une halte à Paris où il loge chez Marie Bonaparte, il arrive dans le pays où tant de fois déjà il avait rêvé de se fixer. Londres lui fait un accueil royal qui lui donne pour la première fois l'impression de connaître la gloire, car non seulement les autorités officielles et les hautes personnalités, mais la foule anonyme, le menu peuple, lui rend un vibrant hommage. Les médecins de Grande-Bretagne affirment leur fierté que leur pays lui ait donné asile, tandis que des admirateurs inconnus lui envoient des pièces d'antiquité pour remplacer la collection qu'il croit perdue. Le jour même de son arrivée, pourtant, Freud écrit « La situation affective de ces derniers jours est difficile à saisir, à peine descriptible. Le sentiment de triomphe se mêle trop intimement à la tristesse, car la prison d'où l'on vient de sortir, on y était encore très attaché. » Désormais, il s'efforce d'oublier Vienne et affecte même de ne plus savoir son nom. À peine installé, il se remet au travail comme si rien ne s'était passé. Pendant l'année qui lui reste à vivre, il écrit encore et fait 4 heures d'analyse par jour, presque jusqu'au dernier moment. Son premier domicile à Londres voit défiler de nombreux visiteurs de marque, parmi lesquels beaucoup d'étrangers. Stefan Zweig, l'anthropologue Malinowski, le leader sioniste Chaim Weizmann, pour qui Freud avait une grande estime, Wells, un professeur de philosophie juive qui vient lui demander de ne pas publier son Moïse. L'un des visiteurs qui l'impressionne le plus lui est amené par Stefan Zweig, c'est Salvador Dali qui fait sur le champ son portrait et qui, avec sa flamme de jeune espagnol aux yeux fanatiques et candides, l'incite à modifier son opinion sur les surréalistes, lesquels, bien qu'il l'eussent pris pour patron, lui faisaient jusque-là l'effet d'une bande de fous. L'esquisse de Salvador Dali orne toujours le cabinet de travail de Maresfield Gardens, où le bureau, le divan, les statuettes et les objets familiers de Freud sont restés intacts à la place qu'ils avaient du vivant de leur possesseur. Freud parvient à achever son Moïse avant l'opération qu'il subit à la fin de l'année. L'édition allemande de l'ouvrage paraît en août 1938 à Amsterdam, l'édition anglaise qu'il attendait avec impatience en mars 1939. Cependant, la dernière intervention l'a laissé complètement épuisé. Et peu après, une tumeur se déclare que les médecins jugent inopérable. Dès lors, ses jours ne sont plus qu'une lente et atroce agonie dont personne, pas même ses proches, ne peut souhaiter la prolongation. Depuis 16 ans qu'il souffre, il n'a jamais pris de calmant, disant qu'il préfère penser dans les tortures plutôt que de ne pas penser clairement. Maintenant, il consent à prendre un peu d'aspirine, et c'est avec ce piètre secours qu'il continue sa lutte, vieille de plus de 40 ans, contre la maladie et la névrose. La déclaration de guerre le trouve exténué, mais lucide et sans pathos, toujours réaliste. Comme son médecin, le docteur Schur, lui demande s'il croit que cette guerre sera la dernière, il répond « ma dernière ». Pendant le mois d'août, son état ne cesse d'empirer, il ne peut plus du tout s'alimenter. Le cancer qui a envahi la mâchoire et le palais s'étend maintenant aux joues, et l'on peut craindre une gangrène. Le 19 septembre, on appelle Jones à son chevet pour qu'il lui dise adieu. Le 21, Freud rappelle à son médecin la promesse qu'il lui a faite au début de l'aider à quitter décemment ce monde quand la souffrance excéderait ses forces. Le moment est venu de la tenir. Schur assure qu'il ne l'a pas oublié et Freud l'en remercie. Le lendemain, le médecin lui donne une infime dose de morphine qui, vu son extrême faiblesse, suffit à le délivrer. Dans la nuit du 23 septembre 1939, sa longue vie, si longtemps torturée, touche enfin à son terme. Il s'éteint sans un mot, sans autre dernière parole que celle qu'il laisse dans son œuvre, sans autre consolation que l'immortalité qu'il attendait peut-être de son dur travail, et que seul l'homme a le pouvoir d'accorder au génie pour une brève éternité. RTF France 3 Nationale vous a présenté en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série, La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Michel Bouquet, Roger Brett, René Farabet, Jean Muselli et Jean Topard dans Moïse et l'exil. Prise de son Sam Niesviski, assistante Marie-Andrée Arminot. Ces émissions ont été diffusées pour la première fois sur France 3 Nationale les 13 et 20 juillet 1963. Vous pouvez les réécouter ou les télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.